cheval. Pour ces mots, je veux des mots que rien n'égale. Je me régale de vos mots. Donnez-en donc aux maudits mâles qui démontent et désarticulent vos préceptes. C'est vital. Le flot de pensée coagule. L'hémorragie reste verbale. Les vieux démons, je les encule. Lors de mes orgies cérébrales, je me délecte de mes faiblesses. Je les abreuve d'un mauvais vin de messe. Ancré à mes pensées obscures, je n'atteindrai pas le bord, c'est sûr. Alors je plonge encore. Brise le miroir, la surface de l'eau stagnante, noire. Six pieds sous terre, la lumière jamais. Vaginale, la glace est fragile en surface.